Postface au conte. Il est curieux de rencontrer dans cette légende plus d'une ressemblance avec les contes de ma mère Loi. Charles Perrault, qui a puisé sans scrupule dans les traditions armoricaines, scandinaves, arabes, ne pouvait dédaigner les fabliaux du Moyen-Âge. Nul doute qu'il n'y ait découvert quelques-uns de ces récits merveilleux rapportés d'Orient par les chrétiens lors des croisades. Ne sont-ils pas de la famille des Rakshas, les ogres aux dents aiguës et aux appétits féroces? Ils s'expriment dans les mêmes termes et s'écrient avec le même enthousiasme « Je sens la chair fraîche ». Évidemment, le petit Pousset a emprunté à Goutte de Rosée le moyen de reconnaître son chemin. Seulement, où l'imagination orientale, toujours exagérée, avait mis des perles fines, il n'y a plus que de simples cailloux. La princesse et le fils du bûcheron emploient ce qui leur tombe sous la main. Dans l'histoire de Podane, les analogies sont plus frappantes. L'académicien du siècle de Louis XIV a dû trouver déjà adouci dans les fabliaux certains traits un peu durs de la légende indienne. Il l'a accommodé au goût de son temps, avec une grâce et un charme de détails infinis. Ses nobles lectrices eussent frissonné à l'idée de cette princesse écorchant un cadavre pour se couvrir de sa peau. La dépouille de l'âne était plus acceptable. Remarquons que la métairie où l'infante garde les dindons est aux portes d'une grande ville, comme la ferme où Fleur de Lotus est employée aux plus grossiers ouvrages. Mais, pour redevenir belle, l'héroïne indienne n'a pas besoin de mettre une robe couleur de la lune ou du soleil. Elle se déshabille au lieu de s'habiller. Sous un pareil climat, la chose est naturelle. Au grand siècle, on aurait difficilement compris qu'un prince pût devenir amoureux d'une femme sans dentelle ni falbala. Et la nudité de Fleur de Lotus eût effarouché les arsinoés de l'hôtel de Rambouillet. Comparé, dans les deux contes, la scène où les amants aperçoivent pour la première fois leur bien-aimé, l'un blotti dans un figuier, l'autre l'œil collé au trou d'une serrure. Ce paysage, baigné des fraîches lueurs du matin, au milieu duquel s'encadre la beauté sans voile d'une fille de 14 ans, n'est-il pas plus poétique que le Galta où Podane se promène complaisamment avec sa robe à traîne et son corset d'argent? Le gâteau de la gardeuse de dindons, la bague qui ne peut s'ajuster qu'à une main menue comme le pied de Cendrillon, sont d'ingénieuses broderies ajoutées à la trame du récit. Qu'elles soient dues à la plume de Perrault ou à celle d'un bel esprit du Moyen-Âge, on y reconnaît l'influence de la chevalerie. Le fils du roi d'Astinapura va droit au but et ne s'attarde pas aux beaux sentiments. Un gâteau, fût-il pétri par les mains de Fleur de Lotus, ne calmerait guère sa fièvre amoureuse. Ses désirs sont ceux d'un despote asiatique habitué à faire tout plier devant ses caprices, et non ceux d'un amant qui s'inquiète surtout de savoir si on répondra à sa flamme. Les apparences mêmes ne peuvent faire reculer cet Indien patient, et le soir, il prendra vieille et laide celle qu'il a vue le matin jeune et belle. Assurément, le héros du conte de Podane y mettrait plus de délicatesse. Les fabliaux étaient les romans de mœurs du Moyen-Âge, et les sentiments qu'on y peignait étaient le miroir de la société. Il est curieux de suivre les transformations subies par ces récits qui se transmettaient par la bouche des conteurs. Voyez-vous dans la grande salle du manoir ces belles châtelaines groupées autour d'un chevalier qui revient de la Palestine? Il narre un de ces contes traduits du sanskrit en pelvi, idiome antique de la Perse, d'où ils ont passé dans la langue syriaque. Le chevalier est plein d'imagination et inspiré par la circonstance. Il ajoute, il retranche. Sous sa langue dorée, les maîtres impériaux se changent en serviteurs soumis, comme les aime son charmant auditoire. Dans un coin, le chapelain du château, un clerc érudit, écoute aussi sans qu'on y prenne garde. Il a trouvé l'histoire jolie et l'écrira le soir même sur une feuille de vélin. C'est ce récit que le bonhomme Perrault a découvert dans un recueil de vieilles chroniques. La princesse Fleur de Lotus est devenue l'infante Podane, et voilà comment, après bien des vicissitudes, un conte indien est arrivé des rives du Gange jusqu'au bord de la Seine.